Vous êtes sur Radio Mon Pays. Il est 19h04. 90.1. Blood and roots. From films to girls. Bonsoir, Radio Mon Pays, donc, qui prend ses horaires de 2019. On vous en avait parlé en janvier. Donc ça sera tous les derniers vendredis du mois. Vous retrouverez Buddha Truths pour une émission de 2 heures. Voilà. Alors, changement de format, donc. Changement de format et pas de changement en termes de qualité, par contre. Programmation musicale. Là, simplement, par rapport à ce qu'on avait annoncé, il y a un petit rétropédalage. On avait annoncé une spéciale reggae pour fêter le passage du... reggae en termes de patrimoine universel immatériel de l'UNESCO. On ne va pas pouvoir la faire cette semaine, mais Pierre-Julien a eu une idée lumineuse. Je te laisse en parler. Lumineuse, c'est le mot. Puisqu'en fait, bêtement, on s'était rendu compte que c'était des playlists presque exclusivement masculines qu'on avait faites. Et donc, on vous a concocté une petite émission autour des grandes chanteuses afro-américaines, donc des femmes. Et donc on va commencer par écouter Elizabeth Cotton, une petite folk song du début du XXe siècle, Freight Train. Bien, pour compléter un petit peu ce que vous a présenté Pierre-Julien, donc spécial afro-américaine, et on fera des petits détours aussi pour coller toujours au thème principal qui nous est cher de Blood and Roots, c'est-à-dire le côté droit civique américain, évolution de la société américaine. On ira faire des petits tours, enfin voir des figures marquantes de l'histoire afro-américaine, mais côté femme, parce qu'il y en a eu pas mal, on va pas voir tout le monde, mais on va vous en parler, ou des chansons hommage. Ouais. On va faire un petit tour et ça va nous permettre aussi d'aller de faire un tour d'horizon en termes de styles musicaux, j'imagine. Absolument. Donc tu nous as fait plutôt une playlist d'activistes, à ce que j'ai cru comprendre. Ouais, une playlist point levé. Okay. Donc moi j'aurais ma part peut-être un petit peu moins activiste, mais en tout cas des grandes figures de la chanson, jazz. De la chanson blues, toujours, hein, puisqu'on y revient toujours à ce fameux blues, et puis de la soul et même un petit peu de pop. Et on va tout de suite commencer par Billie Holiday, grande figure, grande chanteuse de jazz. Hein. On va écouter Strange Fruit. Quelques mots sur, sur la chanson, Stéphane. Oui, quelques mots. Alors, on vous en avait parlé au tout début, lors de la première émission, Strange Fruit, puisque, en fait, le titre de l'émission, Blue Dot Fruit, est tiré, en fait, c'est un extrait de paroles de cette chanson. Et donc, pour rappeler que Strange Fruit, c'est une chanson qui avait été écrite, alors je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais par un juif new-yorkais communiste, qui avait écrit ce texte en suite au lynchage de deux jeunes nord-américains. Il avait tellement été choqué qu'il a écrit cette chanson, qui a été ensuite interprétée par Billie Holiday. Il faut savoir aussi, petite précision, que durant cette période, cet auteur-là, j'essaierai de vous donner le nom d'ici la fin de l'émission, cet auteur-là, ensuite, a adopté les deux enfants des militants communistes qui avaient été condamnés à mort et qui ont été exécutés. Voilà, donc c'est quand même un personnage qui a une vie assez... incroyable. Comment dire, assez incroyable. Ouais. Donc on va écouter Strange Fruit suivi de On the Sunny Side of the Street. Bien, alors petite précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'auteur de Strange Fruit. En fait, c'est donc les enfants des époux Rosenberg qu'il a adoptés suite à leur exécution. Ils avaient été condamnés en 1951, n'est-ce pas ? Voilà, c'était la petite précision. On repart sur la voix. Tu voulais rendre hommage à la voix de Nina Simone ? Ouais, je voulais juste dire que voilà, pour cet hommage quand même aux grandes voix de la chanson afro-américaine. On a pris le parti de choisir des voix inoubliables, des personnalités fortes. Des vies. Et des vies cabossées. Et des vies cabossées, parfois, de brillantes carrières d'autres. Pour Billie Holiday, en tout cas, ça a été une vie plus qu'en entier, hein, puisqu'elle a navigué entre la drogue, la prison, toute sa vie. Et elle en mourra d'ailleurs assez jeune. On va maintenant parler de Nina Simone, donc grande voix à laquelle on aimerait rendre hommage. Nina Simone, qui a été également engagée d'une certaine manière, hein, Stéphane. Quelques mots peut-être sur son engagement dans les droits civiques. Non, absolument. Non. Non, pas sur Nina Simone, je ne vais pas potasser Nina Simone. Voilà. Je laisse la main. elle s'est politisée assez jeune, et puis au début elle était plus dans la version un peu light et pacifiste du mouvement de Martin Luther King notamment, avant de se radicaliser vraiment et même d'avoir des déclarations un peu violentes par moment. Et alors pour précision, ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque-là, ce qu'on ne sait pas trop c'est qu'il y avait quand même des luttes, enfin pas vraiment des luttes, mais il y avait des différents points de vue entre justement le côté Martin Luther King qui était intégration, mm-hmm. et il y avait le parti black nationaliste qui là était pour une forme de ségrégation, c'est-à-dire, on en avait parlé un petit peu, c'était soit créer un État aux États-Unis pour les Afro-Américains, soit un État en Afrique pour les Afro-Américains. Donc il y avait vraiment ces deux visions. Et c'est vrai que souvent, de fait, les Black nationalistes étaient un peu plus durs. Quoi. Ok. Alors Nina Simone, qu'est-ce qu'on va vous faire écouter ? On va vous faire écouter Feeling Good, I Shall Be Released, et un live de How It Feels to Be Free à Paris, il me semble, dans les années 70. Je vous encourage à regarder la vidéo sur YouTube si vous êtes sur ces usages-là. C'est absolument magnifique. Feeling Good, I Shall Be Released et How It Feels to Be Free. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

understands a man in this lonely crowd. Man who says he's not to blame. Smooth. moving now. Jonathan Livingston Seagull ain't got nothing on me. Alors, je ne sais pas si vous avez noté une forme de cohérence dans cette playlist, Pierre-Julien. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait remarquer. La chanson précédente, c'était I Shall Be Released. Et celle que vous venez d'entendre, c'était How It Feels to Be Free. Voilà pour la petite boutade. N'empêche, ouais. La nana, elle est toute seule au piano. Et sa prestation, elle est super impressionnante sur ce dernier morceau. Et on va continuer dans la cohérence, parce qu'avec ces notions de liberté, on va rendre un premier hommage à une personnalité. Afro-américaine, Harriet Tubman, oui, incontournable. Harriet Tubman, qui en fait, bon, est née en 1900, dans les années 1920. En fait, c'est une esclave, fille de parents esclaves. Et pour résumer, elle s'est évadée. Et ensuite, elle a participé à ce qu'ils appelaient le Underground Railroad, c'est-à-dire le ils évacuaient, en fait. Ils évacuaient le chemin de fer clandestin. Ils évacuaient, ils exfiltraient les esclaves pour les amener du côté, enfin, côté nord et pour les libérer. A priori, selon la légende ou selon l'histoire, c'est l'ordre de 300 personnes qu'elle a réussi à libérer, entre guillemets. Dont sa famille, il me semble. Donc sa famille, surtout sa famille, c'était la première chose parce qu'elles se sentaient loin. Mais, donc là-dessus, il y a eu la guerre de sécession. Elle a participé aussi, durant cette guerre, pas l'espionnage, mais elle a participé à être vivante. Et après la guerre, elle s'est engagée dans notamment le droit de vote pour les femmes. Donc elle était au-delà de la condition noire. Elle a été donc c'est une des premières grandes figures, enfin par rapport à ce qui nous intéresse. La petite histoire veut que normalement en 2020 elle devrait avoir son effigie sur le billet de $20. Donc c'est pas rien en termes de personnes. Par contre, remis en cause par Pierre-Julien. Non, mais je crois avoir lu quelque part. Alors j'ai plus l'article, la date en tête, mais il semble que l'administration Trump, en fait, elle est revenue sur cette décision qui avait été prise dans les années 90. Bill Clinton, si je ne dis pas de bêtises. On va surveiller ça. Dès qu'on aura billet de $22. Ouais. Et donc, voilà, ils sont revenus là-dessus avec des arguments un peu fallacieux. Bon, du Trump. Toute sa splendeur. Voilà. Alors là, on va passer à un hommage donc, rendu par deux groupes. Alors, c'est plutôt jazz, voire free jazz. Donc, le premier, c'est simplement un trio qui s'appelle du nom de Harriet Tubman. D'accord ? Donc, le morceau s'appelle Black Tal Fractal. Et le deuxième morceau, c'est Sons of Kemet. Alors, c'est un groupe qui fonctionne avec deux batteurs, un tuba et saxo, donc vraiment cuivre et percussion. Le deuxième morceau s'appelle My Queen is Harriet Tubman. Alors, ils ont fait un album, en fait, c'est des Britanniques, hein, ils ont fait un album qui s'appelle Your Queen is a Reptile, qui veut dire votre reine, il s'adresse aux Britanniques, votre reine est un reptile. Et donc, chaque chanson qu'ils ont faite s'appelle My Queen is, donc dedans il y a My Queen is Harriet Tubman, My Queen is Angela Davis. Ils rendent hommage aux grandes figures, pas forcément afro-américaines, parce qu'on a aussi des sud-africaines ou autres, quoi. Donc, le deuxième morceau que vous écouterez, c'est My Queen is Harriet Tubman, mais on commence par le groupe qui s'appelle Harriet Tubman. Un mot sur ce qui arrive. Là, on passe dans une phase jazz. Très jazz. Très jazz. Très limite free jazz, mais, ouais. Mais écoutez. Après ça, on va écouter Alice Coltrane. Voilà, pour vous dire où est-ce qu'on en est. Du Ella Fitzgerald pour Ratterrir en douceur. Et après, on sera sur des choses plus légères. En attendant, Stéphane, les titres. Eh bien, on commence par Harriet Tubman, Blacktal Fractal. Thank you. RMP 90.1, Buddha Truths. Bon, on en a encore pour une heure et quart de musique spéciale afro-American woman. Ça nous dit pas il est quelle heure tout ça. Non, on s'en fout. On est dans notre truc. J'espère que ce petit détour par le free jazz vous aura plu. Ça fait toujours plaisir, le free jazz. Ça libère l'esprit tranquillement. Et on va parler de Ella Fitzgerald pour clore un petit peu ce chapitre jazz, hein, si j'ose dire. Ella Fitzgerald, donc grande voix aussi du jazz, hein, aux côtés de Billie Holiday et Nina Simone qu'on a écouté auparavant. On va vous faire écouter deux titres, Summertime et Cry Me a River. Que dire sur Ella Fitzgerald, vous verrez, elle a un style en apparence très classique au début des titres, et puis il y a toujours un petit moment où ça devient un peu plus foufou, presque free jazz même. On va atterrir tranquillement là-dessus, et puis aller vers des contrées un peu plus légères après, avec de la soul, du gospel et de la pop music, et bien sûr les quelques parenthèses de Stéphane autour des femmes un peu plus activistes. Ouais. Et on parlera aussi de celles qui ne sont pas activistes, mais qui, de par leur fonction, de par leur, leur vie, ont impulsé certaines choses. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. On en reparle. Et la Fitzgerald, Summertime. Go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. And you perspire. What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, I think I'll go down. Let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in Mr. Kelly's and you taste a while. Yes, Daddy, you drink a while. And you drink. What do you get? The check. You don't mind it because it's summertime. Living's easy. What do you care? Your daddy's rich. You got a good-looking mother. Imagine everybody with a good-looking mother and a rich daddy. Ho-ho! Summertime. That's what the psalm says. Living easy. Imagine Et là, le blues, on l'a bien senti avec Ella Fitzgerald, Cry Me a River. Alors, qu'est-ce qu'on... sur quoi on passe maintenant, Stéphane? Bon, on passe sur un autobus, ou sous un autobus. Bah, référence à Rosa Parks, en fait. On va faire un petit tour, comme vous le disiez, sur les grandes figures. Enfin, pas les grandes figures, mais les figures emblématiques. Donc là, on va écouter trois morceaux qui sont dédiés à Rosa Parks. Donc Rosa Parks, c'est donc cette femme qui a refusé de céder sa place dans un bus à Montgomery à un blanc. Et tout est parti, enfin... une partie de l'histoire américaine est partie de là, vu que Martin Luther King a enchaîné sur... Enfin voilà, quoi. Donc, on va pas raconter sa vie. L'idée, c'est de lui rendre hommage, d'écouter des morceaux qui lui rendent hommage. Alors, il y en a trois. Le premier, je parle sous couvert de notre technicien, DJ Stagiaire. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, qui doit tout à son grand maître. C'est comme... son grand maître. DJ Bizou qu'il a laissé. qu'il a laissé. Bref, je parle sous couvert de Benoît. Qui nous a rejoint pour cette émission à la technique. Oui, d'ailleurs. Et donc, a priori, sur les trois morceaux de Rosa Parks, le premier, ça devrait être Pete Seeger. Si les choses, voilà. Donc, Pete Seeger, il c'est. Fait oui ouais, il fait oui. On va faire oui. Pete Seeger, donc c'est le chanteur, c'est le Bob Dylan, quoi, c'est-à-dire bon, protest song, et qui a été un des premiers interprètes du morceau emblématique de Contestataire, qui est We Shall Overcome. Donc c'est un des premiers, après il y a eu Joan Baez, il y a eu Bob Dylan, mais c'est quand même lui qui a apporté un petit peu ce morceau. Ça a été l'un des premiers folkloristes aussi à être aussi largement diffusé, parce qu'il a eu un show télé pendant lequel il faisait venir... faire jouer des gens comme les révérends Gary Davis, enfin des voilà des grosses figures du blues, de la folk, des parfois des inconnus hein, à l'époque. Tout à fait. Et donc son morceau s'appelle If You Miss Me at the Back of the Bus, donc forcément il fait référence à Rosa Parks. Ensuite, on écoutera Otis Taylor, qui est bluesman. Donc là, on revient un peu sur nos émissions précédentes. Bluesman, bluegrass de Chicago. Mais de toute façon, il faut prévenir, il y aura toujours du blues. Il y aura toujours. Il y en aura toujours. Vous soyez, vous aurez du blues. Et donc, sa chanson à Otis Taylor, c'est Rosa Rosa. Et le dernier morceau, c'est les Neville Brothers. Donc là, c'est un peu plus récent. C'est un combo qui nous vient de la Nouvelle-Orléans des années 80. Et leur morceau s'appelle Sister Rosa. Mais donc, on commence cet hommage à Rosa Parks par Pete Seeger, If You Miss Me at the Back of the Bus. Come on over to the front of the bus. I'll be riding up there. I'll be riding up there. I'll be riding up there. Oh, come on over to the front of the bus. I'll be riding up there. If you miss me on the picket line, you can't find me nowhere. Oh, come on over to the city jail. I'll be roaming over there. I'll be roaming over there. I'll be roaming over there. Oh, come on over to the city jail. I'll be roaming over there. One of the young people had just come down from Cairo, Illinois, where they'd had a drive to desegregate the municipal swimming pool. If you miss me in the Mississippi River, you can't find me nowhere. Oh, come on over to the swimming pool. I'll be swimming right there. I'll be swimming right there. Oh, I'll be swimming right there. Oh, come on over to the swimming pool. I'll be swimming right there. Oh, here's a verse that was prophetic. Came true, I heard it in October, and many places it came true in November. But just to start, if you miss me in the cotton field, you can't find me nowhere. Oh, come on over to the courthouse, I'll be voting right there. I'll be voting right there. If you miss me at the back of the bus, you can't find me nowhere. Oh, come on over to the front of the bus. I'll be riding up there. Oh, I'll be riding up there. Oh, I'll be riding up there. Oh, come on over to the front of the bus. I'll be riding up there. That's right. Way, way, way, long time ago. Way, way, way, long time ago. Who's that standing up talking about free, freedom? Who's that standing up talking about free, freedom? À l'attention de ceux qui nous ont écoutés la dernière fois, fin janvier donc, vous aurez peut-être noté que Otis Taylor utilise ici un bottleneck sur certaines parties de guitare, hein, un petit point technique qu'on avait développé la dernière fois. On va tout de suite écouter les Neville Brothers, Sister Rosa. No more. Sister Rose, she was tired one day after a hard day on her job, when all she wanted was a well-deserved rest, not a scene from an angry mob. A bus driver said, baby, you got to get up, 'cause a white person wants that seat. But Miss Rose, she said, no, not no more. I'm gonna stay right here and rest my feet. Thank you. C'est fini pour les années 80. Te voilà soulagé, Pierre-Julien. Merci. Voilà, donc vous l'avez peut-être remarqué, on est passé dans une nouvelle phase de l'émission. Hein. On est passé de trucs très jazz, etc., avec des grosses, grosses voix, des choses un peu plus légères. Mais toujours avec des grosses, grosses voix, puisque on passe dans un moment de la playlist où c'est que du plaisir. On a décidé de vous mettre un peu de soul et je pense que c'était tout à fait pertinent de parler d'Aretha Franklin. Hein. Dommage. Qui a quand même traversé 5 bonnes décennies dans le paysage musical américain, avec des gros, gros titres qui parlent certainement à tout le monde. Hein. Je pense pas me tromper en disant ça. On va écouter R-E-S-P-E-C-T. Bien. Vous non, avez... parce que c'est pas évident. C'est pas évident voilà, comme ça. Ouais, non, c'est une forme de performance, comme tu dis. People get ready. You make me feel like a natural woman et I say a little prayer. Donc on va naviguer vraiment entre la soul et des choses un peu plus gospel, voire même une belle chanson d'amour auquel Barack Obama a pleuré lors d'une représentation de Aretha Franklin juste avant sa mort d'ailleurs. T'as tes entrées à la Maison Blanche entre Trump, Barack Obama, Clinton. Non. T'as des infos quand même. Ouais, j'ai de l'info. Vous pouvez m'appeler, j'ai plein d'infos. Aretha Franklin, respect. Picking up passengers from coast to coast. Blue Dot Roots, on atteint l'heure et demie de musique spéciale afro-américaine, woman, chanteuse, femme. Alors, ce n'est pas en hommage, ce n'est pas en prévision de la journée de la femme, hein, du 8 mars. Mais d'ailleurs, il n'y avait pas que des femmes. Il n'y avait pas que des femmes. Alors, toi, tu as choisi de mettre que des hommes dans une playlist réservée aux femmes. Voilà, je suis un contestataire et effectivement, il y avait pour l'instant que des hommes dans ma playlist. D'un autre côté, il n'y a que des hommes ici dans la cabine, on peut le dire. Hein. On peut le dire entre le micro et puis derrière dans cette petite cabine, Benoît. Donc, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de voix féminine. J'aurai quand même dans ma playlist une voix. Et alors là, je fais pour le coup, je fais d'une pierre deux coups, puisque ça sera à la fois une militante et une chanteuse. Donc, on y reviendra plus tard. Bon, à ta décharge aussi, c'est des hommes qui rendent hommage aux femmes. Que tu as choisi d'inclure à la playlist. On y va, on va écouter. Effectivement, qu'est-ce qu'on va écouter? Happy Days. Oh, Happy Days. Oui. Edwin Hopkins, singer. Alors en fait, moi j'ai menti. En fait, moi aussi j'ai mis quelques hommes dans ce groupe composé de 3 femmes et 2 hommes. Mais en fait, ici il n'y a que les femmes qui vont chanter. Donc on reste dans le thème, c'est Oh, Happy Days. Des bonnes vibes bien gospel qui devront vous parler certainement. Jesus, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o preacher's son. When his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Through the backyard we'd go walking. When he looked into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me, what son of a preacher man. Said he was, he was, yeah. Being good isn't always easy, but Lord knows how hard I try. But when you start talking sweet talk to me, you come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who can ever reach me. Alors voilà, c'était Tina Turner, Son of a Preacher. Alors, oui, bah, on va passer à Angela Davis. C'est la troisième icône qu'on a choisie. Sur qui on va vous présenter. Alors Angela Davis, on a vu tout à l'heure le côté, on a parlé un petit peu du côté Martin Luther King qui était plus à intégration, le côté Black Nation qui était séparatiste. Mmh. Et elle, Angela Davis, elle a revendiqué, mais elle était plus du côté en fait communiste. C'est-à-dire que c'était à la fois, elle concevait pas pour elle la lutte des Afro-Américains. Bah, ça passait par la révolution. Enfin, elle était vraiment imprégnée de ça. Bon, il faut savoir quand même qu'elle a été, accusée. Elle a participé à une tentative d'évasion qui s'est soldée par le meurtre d'un juge. Elle a été inculpée, recherchée. Enfin, elle a eu une vie assez mouvementée. Elle a fait partie du Black Panther, enfin du Black Panther Party. Mais du coup, elle s'est toujours revendiquée quand même communiste ou autre. Donc voilà, pour elle, c'était la voie, c'était la troisième voie en fait de libération du peuple afro-américain qui passait par le communisme. Donc Angela Davis, non seulement elle était militante, mais elle a chanté aussi. Donc on va vous présenter, vous allez écouter sa chanson. Alors c'est un peu années 70, un peu... Huggy et les bons tuyaux, pas de def. On reste dans le sujet, là. Ouais, enfin, avec un super groove. Franchement, cette chanson, elle a un super groove. Ensuite, alors, c'est pas le même groove. Parce qu'il faut savoir qu'Angela Davis, elle a été chantée, elle a été louée par pas mal de chanteurs, notamment John Lennon, Yoko Ono, les Rolling Stones. D'accord. Noah. Ah, mais Juliette. Les Rolling Stones lui ont fait une chanson en son hommage qui s'appelle Sweet Little Black Angel. Voilà. Et qui est sur l'un de leurs meilleurs albums, à mon avis. Exile on Main Street, milieu des années 70, excellent. Bref, voilà. Non, mais voilà, pour dire que c'est quand même une des icônes qui a été louée par pas mal de chanteurs. Alors, j'en étais à Balavoine, aussi, en face de Yoko Ono à Balavoine, à Juliette, je crois qu'elle est toulousaine, Juliette, si je m'abuse. Et là, le morceau qu'on va présenter, en fait, c'est à la suite de la chanson d'Angela Davis, c'est un morceau de Pierre Perret.

Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Passe un petit. Lily, Pierre Perret, un hommage à Angela Davis. On continue sur du plus léger, friandise. Plus léger, absolument. Peut-être que certains de nos auditeurs aiment et connaissent les Supremes. Avec deux titres de leur part, donc trio de chanteuses afro-américaines. Avec Diana Ross. Très pop. Là, on y va sans filet. Hein, ouais, oui, non, là, c'est pour le plaisir. Des bonnes vibes des années, j'ai su, c'est les années 60, je pense. Oui, tout à fait. Ouais, avec You Keep Me Hanging Out et Baby Love, le gros classique. Le gros classique qu'on écoute. Mais ça passe toujours bien, c'est classique. Keep a coming around. Bien. Il nous reste un quart d'heure de bonne musique. Alors là, c'était léger. On va repartir sur des choses un peu plus engagées. Ça, c'est le côté obscur de la force. Les Suprêmes, deux morceaux super chouettes, non? Des intemporels assez. D'ailleurs, You Keep Me Hanging Out, j'ai trouvé que ça n'avait pas trop vieilli. Non, mais ça n'a pas vieilli, les Suprêmes. Dans l'idée d'icône, il y a une chanteuse qu'on ne passera pas ce soir, c'est Joséphine Baker. Alors, parce qu'on a une playlist un peu tenue, il nous reste 10 minutes. L'idée, c'était quand même de parler un petit peu de sa vie. Alors, il y a une très bonne BD qui a été faite sur une biographie, sur sa vie. Joséphine Baker, il faut savoir qu'elle est partie quand même du Missouri, d'une famille pauvre, pour finir à Monaco, en fait, parce qu'elle est morte dans une maison. Enfin, elle a fini sa vie à Monaco. Entre-temps, ça a été la reine de la nuit à Paris, tout le monde le sait. Elle a commencé d'abord aux États-Unis. Exportée grâce à sa danse, en fait, parce qu'elle était danseuse. Elle a commencé comme danseuse. Elle avait développé un jeu de jambes très novateur pour l'époque et en même temps je pourrais pas le montrer aux auditeurs. C'est bien dommage, mademoiselle. Ouais, même s'il y avait l'image, je saurais pas le faire parce que c'est tellement technique. Mais elle s'est exportée en fait là-dessus en France notamment. En France, surtout à Paris. Ouais. Mais une vie qui a fait d'elle une espionne ou résistante, tout du moins. Elle a participé à des réunions en mode un peu décontracté, on imagine, avec des responsables du Reich à l'époque, où elle glanait des informations pour le gouvernement français. En fait. Oui, donc résistante espionne. Engagée aussi au niveau, lors de son retour aux États-Unis ou un épisode dans un restaurant new-yorkais qui s'est très mal passé, ou du style, elle s'est bien rendue compte que le serveur ne voulait pas la servir parce qu'elle était simplement noire. Il faut dire ce qui est. Et donc, du coup, elle s'est engagée auprès de Martin Luther King. Elle était présente lors du grand discours. Elle a d'ailleurs parlé, enfin, elle a fait un discours lors de la grande marche initiée par Martin Luther King. Pour finir avec une famille qu'on appelle la famille arc-en-ciel, où elle a adopté des enfants d'Afrique, d'Asie. Dans le monde entier, ouais. Donc voilà, c'est quelqu'un. Elle a failli perdre le château qu'elle avait acheté à un moment donné. Et Brigitte Bardot l'avait soutenu financièrement, même, il me semble, pour qu'elle puisse le garder un petit peu plus longtemps. Faut le dire, bah, elle a pas fait que des conneries, Brigitte Bardot. On peut dire ça. Mais, c'était une soirée hommage aux femmes. Quand voilà, même. Hommage aux femmes. Désolé, Brigitte. Mais donc une vie plutôt très bien remplie. Enfin voilà, imaginez du Missouri, de famille pauvre à reine de Paris. Donc voilà, on voulait rendre un petit hommage, même si on n'avait pas de morceaux, parce qu'on a une playlist et qu'on voulait voir autre chose. Mmh. On continue justement sur la playlist avec, on retourne sur des chanteuses engagées. Là, c'est un morceau que tout le monde connaît, hein, Tracy Chapman, Talking About the Revolution. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à rajouter. Et juste après ça, on écoutera un titre de Betty Davis, qui était la femme de Miles Davis à une époque, qui est une personnalité tout à fait remarquable, très par moments vulgaire, très engagée aussi. Elle a été critiquée de tous les côtés, même chez certaines associations qui s'occupaient justement de promouvoir... les droits des Afro-Américains en fait aux États-Unis à cette époque, avec Down Home Girl. Don't you know? Talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the world behind, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? They're talking about a revolution. It sounds like a whisper.

Oh, ben, y a plein de choses, mais notamment on reviendra sur la chanson dont on a parlé, We Shall Overcome, la fameuse protest song des droits des citoyens, marche citoyenne afro-américaine, qui a été repris. On mettra la version des Toots and the Metals, entre autres. Mais on a 2 heures, on aura le temps de voir tout ça. Avec le retour de DJ Bizou, mais qui a été... supplanté techniquement. en tout cas, très bien suppléé par Benoît, DJ stagiaire, qui sera de retour aussi le 29 mars. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que vous avez aimé cette playlist spéciale féminine, spéciale chanteuse, afro-américaine principalement. Engagée aussi. Ouais, engagée aussi. Et on vous retrouve très bientôt. 29 mars, Buddha Shorts. I was born.